On a tous des rêves dans la tête, on veut voir de la bouffe dans l'assiette. T'inquiète, y'a mal à la recette. On veut croire nos familles, nos potes, croire en ce qu'on fait. On veut se voir pas dans des histoires canées. On a tous des rêves dans la tête, on veut voir de la bouffe dans l'assiette. T'inquiète, y'a mal à la recette. On veut croire nos familles, nos potes, croire en ce qu'on fait. On veut se voir pas dans des histoires canées. Beaucoup de mal à m'endormir, j'aimerais rêver comme quand j'étais petit peu. Comme quand la France est terrible de fumer d'un peu. Je veux qu'elle arrête de prendre par le cou, je m'en bats les couilles. Elle m'amènera pas à voir mes potes un jour pour mes couilles. Tu me frustres pas, mais c'est je de la flûte comme un avocat. Depuis le départ, j'ai ensemble m'éloigner de toutes ces obstacles. Les dièses fait au cam, j'avance avec toutes ces pédales. Fais-moi de la pub si tu m'aimes pas, de toute façon tu pédales. Pourquoi oublier les vrais pour vivre dans un monde à part, un monde en parallèle de ce que ton grand frère voudrait voir. Appelle-moi la somnac, j'ai un peu trop de mal à me lever. Parce que colmater mes blessures, grâce au moins je le fais. Souvent le regard qui brise, c'est l'option THC. Mes mères font scar des villes face au vécu que j'étais à chier. Et puis merde, je préfère rester lucide. J'hallucine, les premiers à nous sucer la bite est une cible. J'ai plus de haine que de sentiments. Déteste les gens qui se mentent et inventent un vécu de brigand. La route tourne et je connais la routine. Les routes se courent à la rustine. Parce que la route de la vie est courte et ne rime pas avec la vie que je vis. On a tous des rêves dans la tête, on veut voir de la bouffe dans l'assiette. T'inquiète, y'a mal à la recette. On veut croire nos familles, nos potes, croire en ce qu'on fait. On veut se voir pas dans des histoires canées. On a tous des rêves dans la tête, on veut voir de la bouffe dans l'assiette. T'inquiète, y'a mal à la recette. On veut